Section 63 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Yannick Loiseau. La lecture, tome 7e. Section 63. Le rêve par Émile Zola. Chapitre 5. Suite. À partir de cette journée, chaque fois qu'Angélique ouvrit sa fenêtre, elle aperçut Félicien en bas, dans le Clos-Marie. Il avait le prétexte du vitrail, il y vivait, sans que le travail avançât le moins du monde. Pendant des heures, il s'oubliait derrière un buisson, allongé sur l'herbe, guettant entre les feuilles. Et cela était très doux d'échanger un sourire, matin et soir. Elle, heureuse, n'en demandait pas davantage. La lessive ne devait revenir que dans 3 mois. La porte du jardin, jusque-là, resterait close. Mais, à se voir quotidiennement, ce serait si vite passé, 3 mois. Et puis, y avait-il un bonheur plus grand que de vivre de la sorte, le jour pour le regard du soir, la nuit pour le regard du matin? Dès la première rencontre, Angélique avait tout dit. Ses habitudes, ses goûts, les petits secrets de son cœur. Lui, silencieux, se nommait Félicien. Elle ne savait rien d'autre. Peut-être cela devait-il être ainsi, la femme se donnant toute, l'homme se réservant dans l'inconnu. Elle n'éprouvait aucune curiosité hâtive. Elle souriait à l'idée des choses qui se réaliseraient, sûrement. Puis, ce qu'elle ignorait ne comptait pas. Se voir importait seul. Elle ne savait rien de lui, et elle le connaissait au point de lire ses pensées dans son regard. Il était venu, elle l'avait reconnu, et ils s'aimaient. Alors, ils jouirent délicieusement de cette possession, à distance. C'était sans cesse des ravissements nouveaux pour les découvertes qu'il faisait. Elle avait des mains longues, abîmées par l'aiguille, qu'il adora. Elle remarqua ses pieds minces. Elle fut orgueilleuse de leur petitesse. Tout en lui la flattait. Elle lui était reconnaissante d'être beau. Elle ressentit une joie violente le soir où elle constata qu'il avait la barbe d'un blond plus cendré que les cheveux, ce qui donnait à son rire une douceur extrême. Lui s'en alla éperdu d'ivresse un matin qu'elle s'était penchée et qu'il avait aperçu, sur son cou délicat, un cygne brun. Leurs cœurs aussi se mettaient à nu. Ils eurent des trouvailles. Certainement, le geste dont elle ouvrait sa fenêtre, ingénue et fière, disait que, dans sa condition de petite brodeuse, elle avait l'âme d'une reine. De même, elle le sentait bon, en voyant de quel pas léger il foulait les herbes. C'était, autour d'eux, un rayonnement de qualités et de grâces, à cette heure première de leur rencontre. Chaque entrevue apportait son charme. Il leur semblait que jamais ils n'épuiseraient cette félicité de se voir. Cependant, Félicia marqua bientôt quelque impatience. Il ne restait plus allongé des heures au pied d'un buisson dans l'immobilité d'un bonheur absolu. Dès qu'Angélique paraissait, accoudé, il devenait inquiet, tâchait de se rapprocher d'elle. Et cela finissait par la fâcher un peu, car elle craignait qu'on ne le remarquât. Un jour même, il y eut une vraie brouille. Il s'était avancé jusqu'au mur, elle dut quitter le balcon. Ce fut une catastrophe. Il en demeura bouleversé, le visage si éloquent de soumission et de prière qu'elle pardonna le lendemain, en s'accoudant à l'heure habituelle. Mais l'attente ne lui suffisait plus. Il recommença. Maintenant, il semblait être partout à la fois, dans le Clos-Marie, qu'il emplissait de sa fièvre. Il sortait de derrière chaque tronc d'arbre. Il apparaissait au-dessus de chaque touffe de ronces. Comme les ramiers des grands ormes, il devait avoir son logis aux environs, entre deux branches. La chevrotte lui était un prétexte à vivre là, penché au-dessus du courant, où il avait l'air de suivre le vol des nuages. Un jour, elle le vit parmi les ruines du moulin, debout sur la charpente d'un hangar éventré, heureux d'être ainsi monté un peu, dans son regret de ne pouvoir voler jusqu'à son épaule. Un jour, elle étouffa un léger cri en l'apercevant plus haut qu'elle, entre deux fenêtres de la cathédrale, sur la terrasse des chapelles du chœur. Comment avait-il pu atteindre cette galerie, fermée d'une porte dont le bedeau gardait la clé? Comment, d'autres fois, le retrouva-t-elle en plein ciel, parmi les arcs-boutants de la nef et les pinacles des contreforts? De ces hauteurs, il plongeait au fond de sa chambre, ainsi que les hirondelles volant à la pointe des clochetons. Jamais elle n'avait eu l'idée de se cacher. Et, dès lors, elle se barricada, et un trouble la prenait, grandissant, à se sentir envahie, à être toujours deux. Si elle n'avait pas de hâte, pourquoi donc son cœur battait-il si fort, comme le bourdon du clocher, en plein branle des grandes fêtes? 3 jours se passèrent sans qu'Angélique se montrât, effrayée de l'audace croissante de Félicien. Elle se jurait de ne plus le revoir, elle s'excitait à le détester. Mais il lui avait donné de sa fièvre. Elle ne pouvait rester en place. Tous les prétextes lui étaient bons à lâcher la chasuble qu'elle brodait. Aussi, ayant appris que la mère Gabet gardait le lit, dans le plus profond dénuement, alla-t-elle la visiter chaque matin. C'était rue des Orfèvres même, à 3 portes. Elle arrivait avec du bouillon, du sucre. Elle descendait acheter des médicaments chez le pharmacien de la grande rue. Et, un jour qu'elle remontait, portant des baquets et des fioles, elle eut le saisissement de trouver Félicien au chevet de la vieille femme malade. Il devint très rouge. Il s'esquiva gauchement. Le jour suivant, comme elle partait, il se présenta de nouveau. Elle lui laissa la place, mécontente. Voulait-il donc l'empêcher de voir ses pauvres? Justement, elle était prise d'une de ces crises de charité qui lui faisaient se donner toutes, pour combler ceux qui n'avaient rien. Son être se fondait de fraternité pitoyable à l'idée de la souffrance. Elle courait chez le père Mascard, un aveugle paralytique de la rue Basse, à qui elle faisait manger elle-même l'assiettée de soupe qu'elle lui apportait. Chez les Chouteau, l'homme et la femme, deux vieux de 90 ans, qui occupaient une cave de la rue Magloire, où elle avait emménagé d'anciens meubles pris dans le grenier des Hubert. Chez d'autres encore, chez tous les misérables du quartier, qu'elle entretenait en cachette des choses traînant autour d'elle, heureuse de les surprendre et de les voir rayonner pour quelques restes de la veille. Et voilà que, chez tous, désormais, elle rencontrait Félicien. Jamais elle ne l'avait tant vu, elle qui évitait de se mettre à la fenêtre de crainte de le revoir. Son trouble grandissait, elle se croyait très en colère. Dans cette aventure, le pis, vraiment, fut qu'Angélique bientôt désespéra de sa charité. Ce garçon lui gâtait la joie d'être bonne. Auparavant, il avait peut-être d'autres pauvres, mais pas ceux-là, car il ne les visitait point. Et il avait dû la guetter, monter derrière elle, pour les connaître et les lui prendre ainsi, l'un après l'autre. Maintenant, chaque fois qu'elle arrivait chez les Chouteau, avec un petit panier de provisions, il y avait des pièces blanches sur la table. Un jour qu'elle courait porter 10 sous, ses économies de toute la semaine, au père Mascard, qui pleurait sans cesse misère pour son tabac, elle le trouva riche d'une pièce de 20 francs, luisante comme un soleil. Même un soir, qu'elle rendait visite à la mère Gabet, celle-ci la pria de descendre lui changer un billet de banque. Et quel crève-cœur de constater son impuissance, elle qui manquait d'argent, lorsque lui, si aisément, vidait sa bourse. Certes, elle était heureuse de l'aubaine pour ses pauvres, mais elle n'avait plus de bonheur à donner, triste de donner si peu lorsqu'un autre donnait tant. Le maladroit, ne comprenant pas, croyant la conquérir, cédait à un besoin de largesse attendrie, lui tuait ses aumônes. Sans compter qu'elle devait subir ses éloges chez tous les misérables, un jeune homme si bon, si doux, si bien élevé. Ils ne parlaient plus que de lui. Ils étalaient ses dons comme pour mépriser les siens. Malgré son serment de l'oublier, elle les questionnait sur son compte. Qu'avait-il laissé? Qu'avait-il dit? Et il était beau, n'est-ce pas? Et tendre, et timide. Peut-être osait-il parler d'elle? Ah, bien sûr, il en parlait toujours. Alors, elle l'exécrait décidément, car elle finissait par en avoir trop lourd sur le cœur. Enfin, les choses ne pouvaient continuer de la sorte. Et, Un soir de mai, par un crépuscule souriant, la catastrophe éclata. C'était chez les Lamballeuses, la nichée de pauvresse qui se terrait dans les décombres du vieux moulin. Il n'y avait là que des femmes. La mère Lamballeuse, une vieille couturée de rides, Tiennette, la fille aînée et une grande sauvagesse de 20 ans, ses deux petites sœurs, Rose et Jeanne, les yeux hardis déjà, sous leurs tignasses rousses. Toutes quatre mendiaient par les routes, le long des fossés, rentraient à la nuit, les pieds cassés de fatigue, dans leurs savates que rattachaient des ficelles. Et justement, ce soir-là, Tiennette, ayant achevé de laisser les siennes parmi les cailloux, était revenue blessée, les chevilles en sang. Assise devant leur porte, au milieu des hautes herbes du Clos Marie, elle s'arrachait de la chair des épines, tandis que la mère et les deux petites, autour d'elle, se lamentaient. À ce moment, Angélique arriva, cachant sous son tablier le pain qu'elle leur donnait chaque semaine. Elle s'était échappée par la petite porte du jardin et l'avait laissée ouverte derrière elle, car elle comptait rentrer en courant. Mais la vue de toute la famille en larmes l'arrêta. Quoi donc? Qu'avez-vous? Ah, ma bonne demoiselle, gémit la mère Lamballeuse. Voyez dans quel état cette grande bête s'est mise. Demain, elle ne pourra pas marcher. C'est une journée fichue. Faudrait des souliers. Les yeux flambant sous leur crinière, Rose et Jeanne redoublèrent de sanglots en criant d'une voix aiguë. Faudrait des souliers! Faudrait des souliers! Tiennette avait levé à demi sa tête maigre et noire. Puis, farouche, sans une parole, elle s'était fait saigner encore, acharnée sur une longue écharde à l'aide d'une épingle. Émue, Angélique donna son aumône. Voilà toujours un pain. Oh, du pain, reprit la mère. Sans doute, il en faut, mais elle ne marchera pas avec du pain, bien sûr. Et c'est la foire à Bligny, une foire où elle fait tous les ans plus de 40 sous. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? La pitié et l'embarras rendirent Angélique muette. Elle avait 5 sous tout rond dans sa poche. Avec 5 sous, on ne pouvait guère acheter des souliers, même d'occasion. Chaque fois, son manque d'argent la paralysait. Et, à cette minute, ce qui acheva de la jeter hors d'elle, ce fut, comme elle détournait les yeux, d'apercevoir Félicien, debout à quelques pas, dans l'ombre croissante. Il avait dû entendre, peut-être se trouvait-il là depuis longtemps. C'était toujours ainsi qu'il lui apparaissait, sans qu'elle sût jamais par où ni comment il était venu. Il va donner les souliers, pensa-t-elle. En effet, il s'avançait déjà. Dans le ciel violâtre naissaient les premières étoiles. Une grande paix tiède tombée de haut, endormait le Clos Marie, dont les saules se noyaient d'ombre. La cathédrale n'était plus qu'une barre noire sur le couchant. Pour sûr, il va donner les souliers. Et elle en éprouvait un véritable désespoir. Il donnerait donc tout. Pas une fois elle ne le vaincrait. Son cœur battait à se rompre. Elle aurait voulu être très riche pour lui montrer qu'elle aussi faisait des heureux. Mais les Lamballeuses avaient vu le bon monsieur. La mère s'était précipitée, les deux petites sœurs geignaient, la main tendue, tandis que la grande, lâchant ses chevilles sanglantes, regardait de ses yeux obliques. Écoutez, ma brave femme, dit Félicien, vous irez dans la grand-rue, au coin de la rue basse. Angélique avait compris. La boutique d'un cordonnier était là. Elle l'interrompit, vivement, si agitée qu'elle bégayait des mots au hasard. En voilà une course inutile! À quoi bon? Il est bien plus simple. Et elle ne la trouva pas, cette chose plus simple. Que faire? Qu'inventer pour le devancer dans son aumône? Jamais elle n'aurait cru le détester à ce point. Vous direz que vous venez de ma part, reprit Félicien. Vous demanderez. De nouveau, elle l'interrompit, répétant d'un air anxieux. Il est bien plus simple. Il est bien plus simple. Tout d'un coup, calmée, elle s'assit sur une pierre, dénoua ses souliers, les ôta, ôta les bas eux-mêmes d'une main vive. Tenez, c'est si simple, pourquoi se déranger? Ah, ma bonne demoiselle, Dieu vous le rende, s'écria la mère Lamballeuse en examinant les souliers presque tout neufs. Je les fendrai dessus pour qu'ils aillent. Tiennette, remercie, grande bête! Tiennette arrachait des mains de Rose et de Jeanne les bas que celle-ci convoitait. Elle ne desserra pas les lèvres. Mais, à ce moment, Angélique s'aperçut qu'elle avait les pieds nus et que Félicien les voyait. Une confusion l'envahit. Elle n'osait plus bouger, certaine que, si elle se levait, il les verrait davantage. Puis elle s'alarma, perdit la tête, se mit à fuir. Dans l'herbe, ses petits pieds couraient, très blancs. La nuit s'était accrue encore. Le Clos Marie devenait un lac d'ombre entre les grands arbres voisins et la masse noire de la cathédrale. Et il n'y avait, au ras des ténèbres du sol, que la fuite des petits pieds blancs, du blanc satiné des colombes. Effrayée, ayant peur de l'eau, Angélique suivit la chevrotte pour gagner la planche qui servait de pont. Mais Félicien avait coupé au travers des broussailles. Si timide jusqu'alors, il était devenu plus rouge qu'elle, à voir ses pieds blancs. Et une flamme le poussait. Il aurait voulu crier la passion qu'il avait possédée tout entier dès le premier jour, dans le débordement de sa jeunesse. Puis, quand elle le frôla, il ne put que balbutier l'aveu dont ses lèvres brûlaient. Je vous aime. Éperdue, elle s'était arrêtée. Un instant, toute droite, elle le regarda. Sa colère, la haine qu'elle croyait avoir, s'en allait, se fondait en un sentiment d'angoisse délicieuse. Qu'avait-il dit pour qu'elle en fût bouleversée de la sorte? Il l'aimait, elle le savait. Et voilà que le mot murmuré à son oreille la confondait d'étonnement et de crainte. Lui, enhardi, le cœur ouvert, rapproché du sien par la charité complice, répéta « Je vous aime. » Et elle se remit à fuir, dans sa peur de l'amant. La chevrotte ne l'arrêta plus. Elle y entra comme les biches poursuivies. Ses petits pieds blancs y coururent parmi les cailloux, sous le frisson de l'eau glacée. La porte du jardin se referma. Ils disparurent. Fin de la section 63.